n'y vois plus que du black. Je n'y vois plus que du black. Je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai même plus pourquoi je suis allé. Tu me diras bien, les sons négro propres. Mais dans ma vie, je fais que du sale. À force d'être dans le haram, bah forcément de bif, y'en a. Et elles veulent toutes montrer leur cas vu comme cette lufeuse de Rihanna. À force d'être dans le haram, au tiers car je vais skier tous les refrains. Parce que au lieu d'apprendre leur sourate, les petits ils chantent tous mes refrains. À force d'être dans le haram, je suis un mec de la night. Demande à monsieur Jack, mieux vaut ne pas me croiser sur Paname. À force d'être dans le haram, oui oui je démarre au quart de tour. On dirait je bombarde en enfer sans faire aucun détour. À force d'être dans le haram, ta wife va jeter sa bague. Parle en connaissance de cause, me demande pas si ça va. À force d'être dans le haram, je vais devenir fou, oh mon dieu. Je croyais que le son me protégeait, mais les murs ont des oreilles avec des putains de casques audio. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. Et à force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, la dernière fois que j'ai mis des coups, je croyais que c'était sur mon pire ennemi, alors que c'était sur ma dame. À force d'être dans le haram, y'a plus rien halal à ma dame. Je ne vois qu'une bande de cochons avec une bande de macaques. À force d'être dans le haram, je n'ai plus aucune limite. Ne me prenez pas pour un exemple, ouais, je m'en branle que le petit refrain mimi. Tout ce qui compte, c'est le physique. Je t'insulte dans ma musique. À force d'être dans le haram, pour un rien, méga va te fusil. À force d'être dans le haram, ça parle de huc, de ince, des gros. Oui, à force d'être dans le haram, elle pose à poil sur Instagram. Elle fout la merde entre mes négros. Elle fait Zerma, c'est moi, j'ai les gros. À force d'être dans le haram, Big Black aime à le plus gros des égos. Oui, elle veut tout mon numéro, comme si j'étais un super héros. À force d'être dans le haram, Juliette se tape plein de Roméo. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. Oui, à force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. Je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black.